Chapitre 16. À un quart de lieue du hameau d'Epstein, à 200 pas de la maison du garde-chasse Jonatas, il y avait, sur la lisière de la forêt, une large et fraîche pelouse où les paysans des environs se réunissaient le dimanche. Ce beau rond de gazon était la salle verdoyante et le tapis épais des bals du pays. Et, près de là, un grand massif de tilleuls centenaires servait de point de réunion aux vieux et aux savants du village. On trouvait entre les arbres une fontaine creusée dans un pli du terrain et à laquelle on descendait par un escalier de pierre toute moussue. Autour de la source étaient établis des bancs avec un mur d'appui très commode pour puiser de l'eau. 3 ans après la mort de Gaspard, un jeune homme, par une mélancolique et douce matinée de septembre, était assis sur l'herbe au plus épais du rond de tilleul et, un carton sur les genoux, dessinait un vieux tronc d'arbre tordu et noueux qu'un essaim d'abeilles avait choisi pour royaume. Le jeune homme interrompait fréquemment son travail pour regarder du côté de la pelouse. C'était pourtant un jour de la semaine et pas une âme n'y paraissait. On n'entendait absolument que le clapotement continu de la fontaine et la chanson d'une fauvette perdue dans le feuillage. Cependant, au bout d'une heure d'attente, une jeune fille parut au bout de la pelouse et le dessinateur se leva comme pour aller à sa rencontre. Mais il s'arrêta au bout de quelques pas et se mit à la regarder sans être vu d'elle. Ce jeune homme était Évrard, cette jeune fille était Rosemonde. Évrard, toujours noble et beau, portait, avec plus d'élégance et de distinction qu'autrefois, son costume simple et pittoresque. C'était le même regard grave et doux, mais plus profond et plus triste. C'était le même front haut et sérieux, mais marqué plus visiblement encore du sceau d'un destin sombre et de je ne sais quelle fatalité cachée. Rosemonde, toujours ravissante et modestement fière, était vêtue d'un corsage rouge et d'un jupon noir. Le bord plissé de sa chemise entourait son gracieux visage. Elle portait une cruche de grès sur son épaule et une plus petite à la main et se dirigeait vers la fontaine. Quand elle descendit les degrés usés, Évrard quitta le massif de tilleul et courut la rejoindre. « Bonjour, Évrard, » dit-elle en l'apercevant, d'un ton qui indiquait qu'elle s'attendait à le trouver là. Ils s'assirent tous les deux sur le banc. « Tenez, Rosemonde, » dit Évrard en ouvrant son carton, « j'ai presque terminé mon dessin et ma foi, grâce à vos bons avis d'hier, il n'est pas trop malvenu, ce me semble. J'ai tâché d'y imprimer cette horreur que prêtait, dites-vous, aux forêts notre grand Albert Durer, dont vous me racontiez l'autre jour la simple et sublime histoire. Mais c'est fort bien, en vérité, dit Rosemonde. Seulement, l'ombre portée de cette branche pourrait produire un effet meilleur. » Et, lui prenant le crayon de la main, elle corrigea la faute en quelques traits. « Maintenant, c'est magnifique, » dit Évrard en battant des mains, « et je suis 2 fois plus fière de mon chef-d'œuvre depuis que vous y avez touché. Il faut que vous soyez aussi bonne que vous êtes belle, Rosemonde, pour avoir tant d'indulgence et de patience avec votre maladroit écolier. « Enfant que vous êtes, » dit la jeune fille, tandis qu'il lui baisait doucement les mains et la contemplait avec une admiration naïve. « Est-ce qu'il n'y a pas un attrait charmant dans nos études? Est-ce que nos leçons sont autre chose que des plaisirs? Est-ce que mon écolier n'est pas mon compagnon? Et puis, je serais si glorieuse, Évrard, d'avoir rendu, d'avoir presque donné à la noblesse allemande un de ses plus historiques représentants, un gentilhomme appelé par son rang à de si hauts destins et qui languissait dans l'ignorance et dans l'ennui. J'ai fait pour vous Ah, je m'en sens fière quand j'y pense. Ce qu'eût fait votre mère, ce qu'aurait dû faire le comte Maximilien. Et que de progrès en 3 ans, comme vous avez saisi avec promptitude, comme vous avez deviné tout à fait ce que je ne savais qu'à demi. Maintenant, que seraient près de vous tous les papillons dorés de la cour de Vienne ? Hélas, reprit tristement Évrard, ce n'est point par la science que vous m'avez rendu heureux, ma sœur Rosemonde. À quoi bon agrandir la pensée quand la vie est si étroite ? Que servent les ailes à l'aigle en cage ? Que fait un nom éclatant à une destinée obscure ? Je n'ai jamais mieux compris mon isolement que depuis que je comprends le monde. Et si je ne vous bénissais de votre présence, je vous en voudrais, je crois, de vos leçons. Depuis que je vous vois, j'existe. Mais depuis que je pense, je souffre. Nous déplorerons peut-être un jour, Rosemonde, le don fatal que vous m'avez fait. Non, répondit Rosemonde, je ne me repentirai jamais d'avoir rendu un d'Epstein à lui-même et à son pays. Ah, je suis un d'Epstein renié, oublié, dit Évrard en secouant la tête avec mélancolie. Je ne serai jamais un général illustre comme mon grand-père Rodolphe, que redoutait Frédéric, ni un profond diplomate comme mon aïeul maternel, qui en remonterait à Kaunitz. Je serai tout au plus le héros de quelque sombre et terrible légende, et si je suis fameuse un jour, ce ne sera ni dans les camps, ni dans les lycées, mais peut-être aux veillées des paysans. « Évrard, mon frère, encore vos folles idées !» interrompit Rosemonde. « Oh, vous avez beau dire, je sens un crime dans mon sort. Précisément depuis que vous m'avez fait entrer dans la réalité, j'ai conscience de la vie étrange que Dieu m'a imposée côte à côte avec une morte. Aux lueurs de vérité que vous m'avez fait entrevoir, je m'aperçois bien que je suis comme en dehors de l'humanité. » Une ombre, un fantôme, une menace peut-être, et une vengeance. Tout enfin, excepté un homme. Mon ami ! Ah, vous ne pouvez rien contre cela. Vous êtes devant moi, Rosemonde, mais ma mère Albine est derrière moi. Vous seriez un avenir bien rayonnant, mais elle est un passé si formidable. Tenez, parlons d'autre chose. Il y eut une pause pleine de pensées. « Avez-vous achevé l'histoire de la guerre de 30 ans ?» dit Rosemonde. « Oui, et Wallenstein est un grand général, comme Schiller est un grand poète. Merci à vous, Rosemonde, qui m'avez introduit dans les chroniques des jours écoulés, qui avez, pour ainsi dire, ajouté à ma vie toutes ces vies fécondes et éclatantes. Merci à vous qui m'avez appris l'enthousiasme. » Ah, quand je vous adresse des paroles amères, pardonnez-moi, ne m'écoutez pas, je suis injuste, je suis méchant. Mais au fond, je vous aime comme ma sœur, et je vous vénère comme ma mère. Évrard, dit Rosemonde, et vraiment, sa voix grave et sa sérieuse attitude la faisaient ressembler à une jeune mère exhortant son fils. Évrard, je sais que vous êtes bon et doux, mais je vous blâme, en effet, d'être triste et découragé. Pourquoi croyez-vous à la fatalité et ne croyez-vous pas à la providence? C'est mal. Dieu et votre mère ne veillent-ils pas pour vous? Une seule chose vous manquait, l'éducation de l'esprit. J'ai été choisie pour vous la porter, et l'hiver au coin de l'âtre, l'été dans votre grotte ou sur l'appui de cette petite fontaine, nous avons causé, lu, médité. Vous avez vite appris ce que je savais, et puis, dépassant mon enseignement imparfait, vous m'avez montré à votre tour ce que j'ignorais encore. Maintenant, soit que vous restiez ici dans votre retraite, soit que vous alliez dans le monde à Vienne, à la cour, vous serez partout une intelligence éclairée et distinguée. Maintenant, vous pourrez vous-même diriger et conseiller les autres. Ne troublez donc pas, je vous prie, par vos doutes et par vos tristesses, la joie que j'éprouve à songer que j'ai contribué dans mes faibles moyens à vous rendre digne du nom que vous portez et de l'avenir qui vous attend. Eh bien, je serai joyeux si vous le voulez, Rosemonde, joyeux tant que vous serez là, comme les fleurs sont joyeuses tant que le soleil brille. À la bonne heure, frère, dit Rosemonde. Laissez-moi donc puiser l'eau qu'il faut que je rapporte tout de suite à la maison, et puis, si cela vous plaît, nous achèverons de repasser ensemble l'histoire des Hohenstaufen. Je crois bien que cela me plaît, s'écria gaiement le jeune homme. Rosemonde, je vous promets de ne pas penser à demain, si je reste près de vous aujourd'hui. Et les deux amis se pressèrent la main avec un sourire plein d'une affection vraie. Puis la jeune fille prit la plus petite cruche et se pencha pour puiser de l'eau. Évrard saisit l'autre cruche et s'inclina aussi vers la fraîche fontaine. Le ciel était tout bleu au-dessus de leur tête et leurs charmants visages se réfléchissaient dans le miroir de la source. Ainsi, entourés d'azur, ils se rapprochaient dans l'eau et riaient et se saluaient doucement. Quand ils se relevèrent, « Laissez-moi boire, » dit joyeusement Évrard. Rosemonde lui présenta la cruche et il but. Le sculpteur, qui eut saisi leur gracieuse attitude, eut trouvé le plus heureux groupe qu'on puisse imaginer. « Nous devons avoir l'air d'un tableau de la Bible, d'Éliézer et de Rebecca, » reprit en souriant la jeune fille. Elle franchit lestement les degrés de pierre pour s'éloigner de la fontaine, en portant sa petite cruche sur l'épaule. Évrard, l'autre cruche à la main, son carton sous le bras, ne tarda pas à la rejoindre, et tous deux se dirigèrent ainsi vers la maison du garde-chasse. Ils se regardaient souvent en marchant. Les yeux d'Évrard étaient pleins d'admiration et de tendresse. Mais dans le regard de Rosemonde, il y avait moins une expression d'amour qu'une expression de sagesse et de bonté.